Chapitre 6e. Après avoir écouté si rien ne bougeait dans la maison, Riquet se hasarda à ouvrir une des portes. Elle donnait sur une pièce à peu près vide. Ce devait être une salle à manger, mais tous les meubles en avaient été enlevés, sauf une table boiteuse, en bois blanc, couverte de taches, occupant le milieu de la pièce. Le papier, détaché des murs, pendait en lambeaux, pêle-mêle, avec des toiles d'araignées poussiéreuses. Nous ne nous arrêtâmes pas à regarder cette désolation. Nous passâmes vivement, cherchant le couloir conduisant à la cave. Nous traversâmes avec la même hâte un office, puis nous nous trouvâmes en haut d'un étroit escalier menant au sous-sol. Les persiennes étant fermées, toutes les pièces que nous avions traversées étaient plongées dans une demi-obscurité. En revanche, l'escalier était tout à fait noir. Heureusement, Riquet s'était muni d'une lanterne sourde. Il en démasqua la lumière, et nous nous engageâmes avec précaution dans l'escalier. Nous marchions lentement sans parler. Nous avions peur qu'il y eût quelqu'un et de nous laisser surprendre. Mais le silence était profond autour de nous. Rien ne bougeait, et à l'endroit où nous étions arrivés, nous n'entendions même pas les bruits de la rue. Nous avions descendu de nombreuses marches et nous devions être très profondément sous terre. Maintenant, nous écoutions attentivement, guettant un bruit quelconque, une plainte semblable à celle entendue déjà et pouvant nous guider. J'avais à ce moment les nerfs tellement tendus qu'il m'eût été impossible de prononcer une parole. J'étais peut-être à quelques pas de Raymonde et je me demandais ce qu'allait se passer, si nous arriverions à temps pour la sauver, si nous ne serions pas arrêtés dans notre œuvre de délivrance par un incident imprévu. Le silence dont nous étions enveloppés m'inquiétait étrangement. Si Raymonde avait succombé, je n'osais m'arrêter à toutes les idées, à toutes les craintes qui m'assaillaient, plus angoissantes les unes que les autres. Nous nous trouvions à ce moment au bas de l'escalier, dans une sorte de petit carrefour sur lequel s'ouvraient plusieurs couloirs, très étroits, très humides et très sombres, et nous ne savions dans lequel nous engager. Nous avions peur de nous perdre en ce labyrinthe et d'errer longtemps sans découvrir celle que nous cherchions. Nos vêtements s'imprégnaient d'une humidité glaciale, et je me figurais ce que devait souffrir la pauvre prisonnière dans une pareille atmosphère. Avant de nous décider par un de ces couloirs, nous écoutâmes encore, et à ce moment, tout mon sang se glaça dans mes veines. Je venais d'entendre le bruit d'une auto s'arrêtant devant la maison. Je saisis violemment le bras de Riquet. « Vous avez entendu ?»« Oui. » « Une auto vient de s'arrêter devant la porte. » Le policier ne répondit pas. Il écoutait, et au bout d'un instant, « On vient ici !» La grille extérieure venait de s'ouvrir avec un bruit de ferraille. « Oui, on vient, » dis-je, comme figé d'angoisse. « Lui, peut-être. Lui, probablement. Ne va-t-il pas s'apercevoir qu'on est venu ? Je ne le crois pas. » J'ouvris la porte, sans détériorer la serrure. « Il ne doit pas être resté de traces d'effraction. » Nous parlions à voix si basse qu'on eût dit un souffle. Et nous nous étions immobilisés pour écouter, pour surveiller attentivement tous les bruits produits autour de nous. Mon émotion était au comble, et je tremblais tellement que mes dents claquaient. Je sentais que j'étais arrivé à une minute suprême, à une minute d'où allait dépendre le bonheur ou le malheur de ma vie, et peut-être ma vie elle-même et celle de ma Raymonde. En tout cas, j'étais décidé à tout pour délivrer ma femme ou la venger, et si c'était son ravisseur qui entrait comme je le croyais, comme le croyait aussi mon compagnon, il ne sortirait pas libre de cette maison s'il en sortait vivant. Je demandai à Riquet, qu'allons-nous faire ? Attendre. Attendre ? Oui, il n'y a pas autre chose à faire pour l'instant. Attendre pour savoir qui vient là, si c'est celui que nous supposons, et voir ensuite ce qu'il va faire. Nous continuâmes à surveiller sans bouger les bruits au-dessus de nous. Notre cœur battait si violemment à tous les deux que nous en percevions le bruit. On venait d'ouvrir la porte d'entrée, et maintenant des pas se faisaient entendre dans le vestibule précédant la cave. Puis, la porte par laquelle nous étions descendus s'ouvrit avec fracas. Celui qui entrait ne prenait aucune précaution. On sentait qu'il était chez lui. Il se présentait en maître, et ne pouvait se douter qu'il y avait dans sa maison quelqu'un le guettant, surveillant ses mouvements. Et bientôt il y eut un bruit de pas sur les marches de l'escalier. L'homme descendait. Il venait vers nous. Il allait vers sa victime. Alors, nous nous enfonçâmes dans l'ombre. Nous nous fîmes tout petits dans l'encoignure où nous nous étions blottis. Nous retenions notre souffle. Une lueur troua l'obscurité une lueur très faible, un peu rougeâtre. Le coquin descendait avec une lumière. Il allait nous voir, peut-être. Nous nous enfonçâmes davantage encore dans notre coin obscur. À ce moment, quand le survenant fut presque au bas des marches, son visage apparut dans le halo lumineux du bougeoir qu'il tenait à la main. J'étouffai un cri involontaire. « Lui, le bourreau de Raymond ?» Riquet me saisit le poignet et le serra avec force. « Silence !» Mais une telle fureur s'était emparée de moi que je fis un mouvement violent pour me jeter sur le misérable. Mais Riquet me retint encore. « Silence, ne bougez pas !» Et j'obéis machinalement. Et nous attendîmes. L'homme continua à descendre et les rayons lumineux se rapprochaient. Il n'avait pas dû s'apercevoir qu'on était entré dans la maison. « Vous avez votre revolver ?» me dit tout bas Riquet. « Oui. Préparez-le. » Je l'entendis en même temps armer le sien. Il avait depuis un instant masqué sa lumière. Le moment devenait extrêmement tragique. Qu'allait-il se passer? Qu'allait-il sortir de la lutte que je prévoyais? Et que je devinais devoir être terrible, mortel peut-être, pour l'un de nous, car le misérable, qui avait commis le rapt audacieux dont nous l'accusions, devait être capable de tout, décidé à tout, pour défendre la proie dont il s'était emparé. Et cette proie, c'était Raymond, ma Raymond adorée, agonisant peut-être dans le froid, dans l'humidité, à quelques pas de moi. Cependant, le Bulgare était arrivé au bas des marches. Il m'apparut, la figure éclairée par sa bougie. Il me sembla plus hideux que jamais, le visage contracté par la colère et la passion. Oh, quelle haine! J'allais me jeter sur lui. Riquet me saisit à bras-le-corps. Paix! Et il m'immobilisa. Le gredin passa tout près de nous. Il fut si près, un moment, que je sentis venir jusqu'à moi un souffle embrasé, son souffle odieux. Il ne nous vit pas. Il n'eut pas le sentiment d'une présence près de lui. Mais il fallut toute l'énergie, toute l'autorité du policier pour me faire demeurer tranquille. Le Rasta prit un petit couloir à main droite. Nous vîmes la lueur de sa lampe danser sur les murs noirs et suintants drapés de toiles d'araignée. « Suivons-le, » me dit Riquet. Et nous marchâmes sur ses traces, sans bruit, à une distance suffisante pour n'être pas vu ni entendu. Au bout du couloir, il y avait un autre escalier de quelques marches. Le coquin le descendit. Nous le descendîmes après lui. Il s'arrêta devant une porte. Mon cœur se mit à battre avec une violence extrême. Je crus un moment qu'il allait se briser. J'avais de la peine à respirer, et plus de peine encore à me contenir. Raymond était sans doute derrière cette porte. J'allais la voir. Oh oui, je la verrais. Personne ne m'empêcherait de la voir. Aucune puissance humaine, si j'entendais sa voix, si j'acquérais la certitude que je croyais avoir déjà que c'était elle qui fut enfermée là. Le ravisseur avait changé sa lampe de main, pris une clé dans sa poche. J'entendis, à la distance où je me trouvais, un léger grincement. Puis la porte s'ouvrit. Riquet m'avait ceinturé de ses bras pour me faire tenir tranquille. « Pas un mot, » me dit-il tout bas, « pas un geste, écoutons. » Nous n'eûmes pas besoin de prêter l'oreille pour entendre. Presque aussitôt, des phrases violentes arrivèrent jusqu'à nous. Ce fut d'abord le Bulgare qui parla, avec son accent étranger qui donnait un aspect grotesque à ses menaces. « Je vous ai donné 2 jours et 2 nuits pour réfléchir, madame. Qu'avez-vous décidé ?» La voix de Raymond, alors, arriva à mes oreilles, douce comme une douce musique. Avec quel bonheur, je l'entendis. Raymond n'était pas morte. Raymond allait m'être rendue, car je saurais bien l'arracher maintenant à son bourreau. Mon âme s'emplit d'une joie infinie quand j'entendis l'aimé répondre. « Je n'avais pas besoin de réflexion, monsieur, pour vous répondre ce que je vous ai répondu déjà, que jamais je ne vous suivrai. J'aime mon mari et je vous déteste et je vous méprise. » La chère aimée, comme elle se défendait, comme elle était vaillante. « Vous pourrez me torturer, » ajouta-t-elle, « me menacer, comme vous l'avez fait, de me laisser mourir de faim dans les ténèbres et dans le froid. Jamais je ne vous suivrai. » En entendant ces horribles paroles, tout mon sang ne fit qu'un tour. J'eus un élan pour me précipiter sur mon immonde rival. Riquet m'arrêta encore, et je pus entendre le bourreau répliquer. « Oui, vous m'avez préféré ce petit journaliste et la vie médiocre que vous deviez mener avec lui, à moi, qui vous adore, et qui pouvait vous offrir une existence de luxe et de fête perpétuelle. Vous avez préféré ce nouveau venu à moi, qui vous aimait depuis plus longtemps et plus ardemment que lui. Mais je vous en ferai repentir, madame. Jamais vous ne le reverrez, Et si vous ne voulez pas m'aimer, jamais vous n'aimerez personne, car vous ne sortirez pas d'ici. Vous y périrez, comme je vous l'ai dit, de froid et de faim. Mais avant de mourir, tu seras à moi, Raymond, tu seras à moi. » J'entendis un grand cri comme le bruit d'une lutte. Cette fois, c'en était trop. D'une poussée violente, je me débarrassai de l'étreinte de Riquet et je m'élançai à la défense de ma femme. Du reste, le policier n'avait pas cherché à me retenir davantage. Il s'était précipité derrière moi pour me venir en aide. Je saisis par l'épaule le Bulgare au moment où il allait prendre Raymond. « À nous deux, misérables » criai-je, et je l'attirai si violemment en arrière qu'il perdit l'équilibre et roula sur le sol. Il poussa un juron formidable et chercha à se relever. Mais déjà Riquet s'était jeté sur lui. Il le maîtrisa malgré sa force et l'enchaîna. Tout cela s'était passé en moins de temps que je n'en ai mis à l'écrire. La lampe s'était renversée et nous nous débattions au milieu de profondes ténèbres. Mais Raymond m'avait aperçu, Raymond avait entendu ma voix. Elle eut un cri de stupeur et de triomphe. « André !» Puis j'entendis le bruit de la chute d'un corps. Je compris que la malheureuse, trop faible sans doute pour supporter de telles émotions, venait de s'écrouler à terre. Et je criai comme un fou, « De la lumière ! De la lumière !»